Alors, c'est une chose. Tu me sers, ma jeunesse. Accablé, douleur, j'ai ma jeunesse en PLS qui délaisse ses valeurs pour quelques likes en topless. Ma jeunesse pourtant est cool, mais souvent instable. Pourtant, elle se débrouille, elle veut percer sur Insta. Ma jeunesse a la haine, qu'elle soit française, jamaïcaine, maghrébine, américaine ou même centrafricaine. Ma jeunesse se délaisse, je crois qu'on est tous un peu perdus dans un monde où respirer est plus dur qu'ouvrir son GPS. Ma jeunesse est solidaire, même si elle est égoïste. Ma jeunesse aime plaire et ma jeunesse est héroïque. Ma jeunesse je l'aime car elle est tout ce que je suis. Et si ma jeunesse se lève, ça risque de faire beaucoup de bruit. Ma jeunesse se torture, augmente le taux de déprime. Normal s'il y a 7 piges, le modèle c'est Kylie et Kim. Ma jeunesse s'exprime, mais c'est plus trop comment s'y prendre. Donc elle s'exprime et les rumeurs elles se répandent. Ma jeunesse est libre, mais ma jeunesse se suicide. Car elle préfère se tirer dessus plutôt commettre un homicide. Ma jeunesse n'est pas raciste, mais au contraire se mélange. Nos voisins de palier sont tous nos voisins du monde. Alors je l'aime ma jeunesse imparfaite. Car je sais qu'au fond mes frères sont la gentillesse incarnée. Et je sais qu'au fond mes sœurs sont toutes des femmes fortes acharnées. Il nous faut juste un petit coup de pouce pour apaiser nos armées. Ma jeunesse ferme les yeux, même si elle y voit très clair. Des fois elle est racailleuse et des fois elle s'appelle Claire. Ma jeunesse pense, et ils aiment pas ça, c'est politique, donc elle compense. Et le béton